Si jeune, j'comprends problème de loyer. Maman me disait ça va aller. À l'école, j'marchais avec Sam, c'est Biggie, pur produit de la cahier. Mes premières œufs dans le cahier. Et quand du bec sont sortis le Cayenne. Fini par traficanté. Y'a mieux à faire que finir en maison d'arrêt. Et elle s'est puis rencontrée en soirée. J'ai juste besoin de l'eau. Je lui tape un dernier sourire. Une dernière nuit après, j'me sauve. S'il te plaît, ne m'en veux pas. Tu sais que je ne suis qu'un homme. En vrai, t'as pas besoin de ça, ouais. Elle se reconnaîtra, ouais. Tu savais dans le fond, j'suis pas mauvais. J'courais juste après, bien mauvais. Explose le compteur dans la gove. L'arme cachée sous les juices. Je donne ma confiance qu'à mes gars. Plus de place dans mon cœur. Y'a que des vainqueurs sur la vie de ma mère. Parti de rien, on est monté. J'ai compris tellement de choses sans même parler. Des problèmes de cœur, des problèmes de lobby. On fait ce qu'on peut mais rien ne va changer. Le daron fait un AVC. Et viennent les problèmes de santé. La vague est passagère. Mon oncle survit pas à celle du mois de mai. Mon premier chèque en maison de scud. Si je dis le montant ils auront le seum. Pour ça j'ai donné. Ouais la famille c'est que j'ai donné. Aujourd'hui tout va bien, alhamdoulilah. Le succès m'éclaire dans le noir. Plus de main gantée. J'suis au studio tous les soirs. Je raconte mon histoire, je préférais être seul. On m'a trop déçu, ça te dure déçu quand tu prends de la hauteur. Vous savez dans le fond, je suis pas mauvais. J'courais juste après, bien mauvais. Explose le compteur dans la gove. L'arme cachée sous les juices. Je donne ma confiance qu'à mes gars. Plus de place dans mon cœur. Y'a que des vainqueurs sur la vie de ma mère. Parti de rien, on est monté. J'ai compris tellement de choses sans même parler. Des problèmes de cœur, des problèmes de lobby. On fait ce qu'on peut mais rien ne va changer. Parti de rien, on est monté. J'ai compris tellement de choses sans même parler. Des problèmes de cœur, des problèmes de lobby. On fait ce qu'on peut mais rien ne va changer.